flotte entre deux eaux, plus noire que tes cernes quand s'imbibe mon cerveau de vapeurs incertaines noyées derrière mon hublot. Je contemple la grève, le naufrage était si beau, si proche étaient nos rêves, j'ai perdu le sens de nos mots. Entends-tu mon cœur saigne, ce poison coule dans tes veines et me colle à la peau, j'ai perdu le sens de nos mots. Me vois-tu hurler ma peine, mes larmes se déversent de la Seine et t'emportent dans le flot, je ne serai pas ton Lancelot. Allant au bout de lui-même, fier courage serein et beau, délivré sa guenièvre, je ne porterai pas le fardeau de ton sinistre emblème, de tes affres, de tes maux, de ton corps en des veines. Je partirai sur le flot vers des contrées lointaines, chanter les filles de Bornéo et leurs amours infidèles. Je vivrai à nouveau debout sous le soleil. Viens, dessinons l'ombre nouvelle d'une vie sur le sable chaud. J'ai perdu le sens de nos mots. Entends-tu mon cœur saigne, ce poison coule dans tes veines et me colle à la peau, j'ai perdu le sens de nos mots. Me vois-tu hurler ma peine, mes larmes se déversent de la Seine et t'emportent dans le flot. Mon corps flotte entre deux eaux, plus noir que tes cernes quand s'imbibe mon cerveau de vapeurs incertaines noyées derrière mon hublot. Je contemple la grève, le naufrage était si beau, si proche étaient nos rêves.